Lorsque la chance abandonne les enfants de la nuit, on les surprend par ici à prier la Madone. À l'abri de tout regard, ils se libèrent enfin, donnant un sens à leurs mots, un jour au lendemain. Là c'est l'heure où le silence va lancer la nuit avance. I can never trust in me. À prier la Madone, à l'abri de tout regard, il se libère enfin, donnant un sens à leur.